on est présentement avec Médéric Sioui, historien et consultant Wendat Anishinaabe, gestionnaire des communications au CSSS PNQL. Salut Médéric. Quoi Gabriel? Je t'ai invité aujourd'hui pour parler de l'histoire du Québec et du Canada du point de vue des Autochtones, des Premières Nations. Parce que c'est un sujet qui est revenu beaucoup pendant ma saison d'été. Et je n'étais pas nécessairement à l'aise d'en parler. Puis je cherchais justement à avoir quelqu'un qui était issu des Premières Nations, issu des communautés autochtones, pour pouvoir en parler d'une manière qui était plus, dans un vécu plus près que juste comme t'invites un gars d'une université qui va t'en parler comme de manière distanciée puis comme genre factuel. Mais pas factuel, c'est pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire là? C'est comme un ouais, tu veux dire peut-être de manière plus détachée, académique ou ouais, c'est ça. Parce que t'es comme quand on en parle, nous autres, c'est d'un point de vue extérieur, puis ça colore nécessairement nos interprétations. Fait que j'ai écouté une couple de tes conférences, puis une couple d'affaires qui m'ont marqué que j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. La première, c'est la différence entre la conception comme historique, qui était comme européenne, classique, puis celle qu'il y avait ici, puis qu'est-ce que ça fait comme dans comment ça a comme chargé la politique un peu, peut-être. Ben oui, ben premièrement, tantôt, d'entrée de jeu, tu as mentionné l'histoire du Québec et du Canada. Mais nous, dans notre conception, dans notre vision, on préfère plutôt parler des histoires au Canada et au Québec. Puisque quand on dit l'histoire du Canada, c'est très lié à l'histoire géopolitique du Canada en tant qu'entité légale, si on veut, ou politique. Donc, quand on dit au Canada, ben là, on vient plus s'asseoir sur le territoire qui est l'Amérique du Nord, Est et Ouest, là, tout dépendant de où ce qu'on est. Mais donc, c'est vraiment l'histoire du territoire. C'est plus cet aspect-là que nous, premièrement, ben tu sais, puis quand je dis nous, je le dis dans un sens là, inclusif, mais en même temps, je considère pas que je parle pour personne non plus, là, tu sais, je parle pour moi-même, pour mon expérience, mais je pense que ça reflète quand même une bonne partie là, de ce que les Premières Nations en général voient, mais comme tu sais, au Québec, il y a 10 Premières Nations, il y a la Nation Inuit également, au Canada, c'est plus de 60 Premières Nations, il y a différentes visions, là. C'est pour ça qu'aussi, on n'a pas peur de mettre des S à histoire, parce qu'on a des histoires qui, des fois, sont convergentes, des fois sont divergentes, des fois sont parallèles, des fois ils se touchent pas, hein, parce que tout le territoire, le Canada, c'est sur un vaste territoire, puis il peut y avoir vraiment des grandes différences entre, pour par exemple, c'est facile de comprendre que les Inuits ont vraiment pas la même histoire que les Premières Nations présentes sur le long du fleuve Saint-Laurent, par exemple, avec. Par exemple, Jean Cartier n'existe pas pour les Inuits, je vous le confirme, là, il n'est pas dans l'histoire orale ou rien. Là. Donc, mais je suis vraiment pas spécialiste d'histoire des Inuits, par contre, là, mais ça, c'est quoi, il est facile de comprendre. Donc, la distinction, c'est sûr que l'histoire comme telle, hein, c'est quoi l'histoire? C'est, dans la vision classique, c'est l'histoire des écrits d'une civilisation. Puis, par opposition, ou si on veut, là, la préhistoire, c'est l'histoire avant l'arrivée de l'écriture. Donc, chez les Premières Nations, ici, il n'y avait pas d'écriture au sens tel que défini dans les concepts européens ou autres, là, parce qu'il n'y avait pas juste les Européens qui avaient l'écriture, bien évidemment, mais il y avait d'autres façons de préserver la mémoire par écrit. Ben, pas par écrit, mais de façon ancrée. Là. Évidemment, il y avait les gardiens de la tradition orale, des histoires orales, mais il y avait d'autres façons. Là, sur les arbres, il y avait des choses qui étaient écrites dans les cavernes. Je parle pas des dessins des hommes des cavernes, mais il y avait des codes dans certaines nations. Mais c'est sûr que la façon la plus répandue, c'était les gardiens des histoires orales des familles. Puis d'ailleurs, les gens, ils pensent, tu sais, des fois que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu quand même 500 ans de colonisation et autres. Il y a eu. Ça a été plus facile ou plus difficile pour certaines nations ou à certaines époques pour la préservation, mais à l'époque, par exemple, les Jésuites, quand ils ont rencontré mes ancêtres Wendat, ils ont été tout à fait surpris de voir à quel point là, ceux qui étaient les gardiens des savoirs, des histoires et des traditions, ils pouvaient là, remonter là, de façon... très clair et distinct, là, ils pouvaient raconter l'histoire de leur communauté, de leur nation, de leur village, de 2, 3, 400 ans, pratiquement, de façon très détaillée et pointue, puis toujours rapporter la même version. Ça faisait pas, là, comme on dit des fois, le téléphone arabe, là, c'était vraiment, c'était passé, puis c'était une compétence qui était... chez certaines personnes, c'était pas répandu de façon universelle chez tous les membres de la nation ou de la communauté. Il y avait des personnes qui étaient désignées pour ça, puis c'était leur devoir de le passer aussi. Donc, fait que ça, c'est sûr que cette conception-là amène beaucoup de différences. Puis cette différence-là, aujourd'hui, elle arrive en clash, souvent à un choc, ça crée un choc avec la vision classique là, des historiens. Puis on le voit, par exemple, là, avec la question, justement, on parlait tantôt un petit peu, là, la question de Montréal, territoire Ganyengeaga, Mohawk, oui, non. Ben, c'était les historiens classiques disent, il n'y a pas d'écrit qui disent que, ou il n'y a pas de rap. Puis là, ici, c'est fun, ici, là, parce que un écrit, c'est quoi, hein? Puis souvent, c'est des rapports de voyage de gens qui avaient tout à gagner aussi à présenter une certaine version de l'histoire. Par exemple, Samuel de Champlain, quand il arrive en 1603, là, dans l'événement que les historiens maintenant qualifient de quasiment de la fondation de la Nouvelle-France, là, avec la grande tabagie. Puis là, les seules preuves qu'on a de ça, pis ça c'est, là, fait que là, c'est traité ça, comme une preuve là, coulée dans le béton. Il rapporte qu'il y avait 1000 guerriers, les chefs étaient tellement heureux d'avoir rencontré Champlain, ils disaient viens-t'en, amène tout ton monde, puis on va avoir du fun, puis on va être une grande civilisation ensemble, puis t'sais, tout ça. Fait que, t'sais, et là, Champlain, on sait maintenant que Champlain, ça a été une personne formidable pour bien asseoir sa place dans l'histoire, parce que justement, il y a l'historien Mathieu Lavignon qui a fait sa thèse de doctorat sur l'évolution des mémoires de Champlain. Il y a trois versions. Il y a la version qui est écrite quand il était plus jeune, après ça quand il était un peu plus vieux, puis juste avant de mourir. Puis évidemment que dans celle avant de décéder, il a tout bien rangé ses idées, il a évacué ceux qui voulaient pas qu'ils aient leur place dans l'histoire de Nouvelle-France, puis évidemment il a embelli un petit peu la sienne. Donc moi je pense que c'est facile de s'imaginer que dans son rapport de 1603, ben il présente une situation. Est-ce que c'est la vérité pour autant parce que c'est écrit? Moi j'en doute. Donc c'est ça, fait que fait que là on rapporte que quand Cartier est venu, il y avait des Iroquois du Saint-Laurent, puis c'était pas des Mohawks, c'était d'autres, puis là, ils sont plus là quand Champlain arrive. Mais de l'autre côté, hein, on a ça, on a l'absence de traces écrites, puis des descriptions écrites, qui sont des descriptions, en droit, là, un témoin oculaire, là, si on veut. Puis de l'autre côté, on a des gens de Ganawagé, des différentes maisons longues, également de la Confédération iroquoise, des Haudenosaunee, qui rapportent que cette communauté-là avait des liens, elle faisait probablement partie du réseau. Puis ça, c'est dans l'histoire orale de cette nation-là. Mais là, on n'accepte pas, les historiens classiques n'acceptent aucunement d'intégrer ou ne serait-ce que d'analyser tradition orale-là, ces histoires orales-là, sur la présence et les connexions entre ce que le quartier avait appelé les Hochelagéens et la Grande Confédération Haudenosaunee. Donc, c'est drôle, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de preuves, mais oui, il y en a des preuves, mais c'est pas le type de preuve qui est accepté. Alors qu'il y en a un autre côté, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt d'Elgamouk de 1999, reconnaît et accepte les témoignages ancrés dans la tradition orale des différentes nations comme preuve pour l'occupation du territoire. Là. Donc, tu sais, on voit qu'il y a un petit... Le juridique l'accepte, mais l'histoire évolue moins rapidement. Bien sûr, il y a des historiens plus réformateurs ou plus avant-gardistes, puis il y a l'ethnohistoire, il y a l'anthropologie. Puis maintenant, ceux qui réussissent à obtenir un portrait le plus juste, je crois, c'est ceux qui acceptent de mettre différentes lunettes, puis d'accepter différentes facettes et différentes preuves, que ce soit archéologique, linguistique, historique, anthropologique et d'histoire orale, bien évidemment. Je pense que c'est comme dans tout, il faut pouvoir avoir une vision le plus... Ouais. C'est un terme un peu générique, mais 360, si on veut, d'une certaine façon. Ouais, plus t'es comme une diversité de sources, plus t'es comme un regard global, complet, sur une situation quelconque. Ça. Exactement. Un truc qui m'a marqué quand j'écoutais tes conférences, c'est... que dans l'histoire classique, t'es comme moi ce que j'ai appris au secondaire, tu sais, t'es comme l'histoire du Québec et du Canada, puis au début, on parle de comme les premiers contacts avec les Autochtones, les Premières Nations, puis après ça, ben on arrête d'en parler. Pis toi, tu mentionnes dans une de tes conférences que t'as comme eu un gros trou de 200 ans où ce que t'es comme les Premières Nations, les Autochtones sont comme évacués de l'histoire officielle. Oui. C'est un gros combat, tu sais, effectivement, tu sais, puis là, je tiens à rappeler quand même là, la distinction entre l'histoire nationale, l'histoire officielle, puis l'historiographie, par exemple, d'ouvrages scientifiques universitaires. Il y a des universitaires qui se sont penchés sur pas mal toute la période, mais c'est sûr que le nombre, la quantité, la diversité est moins importante quand même, je pense, là, dans les de 18... Ben, disons, c'est dur. On dit 200 ans, c'est 150 ans, ça dépend. Mais, tu sais, c'est dans le fond, c'est grosso modo, là, c'est que la période la plus rapportée, c'est évidemment la période qu'on dit des découvertes et des grands explorateurs. Le mot découverte, justement, c'est un terme aussi qui cause problème, bien évidemment, parce que on découvre pas les Premières l'Amérique, on découvre pas les Premières Nations, on les rencontre, puis ça crée des contacts qui sont des fois plus ou moins amicales, des fois assez amicales, des fois plus problématiques, mais qu'il y a des échanges aussi, des fois des échanges volontaires, involontaires, les maladies, par exemple. Non, bon, ça, c'est involontaire, mais ça va causer des grands effets. Donc, ce qui arrive, c'est que les maladies arrivent, puis on assiste généralement là, assez rapidement à une dépopulation de 90 à 95% là, en fonction des différentes nations, de leur situation géographique et leurs différents types de cultures, parce qu'il y a des nations qui avaient des villages, des communautés beaucoup plus importantes numériquement sur le même petit territoire, alors que d'autres sont plus répandus. Donc, évidemment, distanciation sociale, un terme intéressant aujourd'hui. Si on est plusieurs et on est séparés sur un vaste territoire, ben, les maladies ont moins d'effet rapidement. Mais souvent, on a un effet quand même, mais ça prend plus de temps, alors que des communautés comme les Wendat, par exemple, où il y avait des villages de 2-3 000 habitants, de façon assez condensée, avec des maisons multigénérationnelles et multifamiliales, quand elle y rentrait, ça avait des impacts plus rapidement. Donc, on parle beaucoup de ça. Après ça, évidemment, il y a la période héroïque là, de la traite des fourrures, où on essaie beaucoup de mettre l'emphase aussi sur les alliances. Puis après ça, il y a les différentes guerres coloniales où ce qu'on parle aussi, des, surtout quand on parle du côté français, des alliances avec les Premières Nations. Puis, ultimement, ben, la paix va s'établir là, vers 1812-1815. Puis, on parle. Après ça, les Premières Nations sont comme assez évacués de l'histoire parce que dans l'histoire, ils deviennent comme des indésirables. Parce que à ce moment-là, la traite de fourrure n'existe plus. Ben, elle pas existe plus, excusez-moi, mais elle diminue beaucoup en importance pour différents facteurs aussi. Il y a le monopole de la baie du son qui commence à ce moment-là aussi. Les prix chutent, etc. Donc, la diversité économique du Canada va augmenter à ce moment-là. On va découvrir en même temps, à cause de la guerre de 1812-1815, l'importance du bois. Parce que durant le blocus de Napoléon, le bois était généralement pris pour l'Empire britannique là, en Norvège et dans les pays scandinaves. Mais à cause du blocus, ils ne pouvaient pas, mais ils pouvaient aller vers l'Atlantique. Donc, il va y avoir des chantiers navals qui vont être installés ici durant ce temps-là. Fait qu'on va commencer à couper des grands pins, des chênes sur la rivière des Outaouais et autres endroits pour construire des bateaux. Puis ça va rester. Ça va devenir la principale industrie là, en ressources naturelles pendant un bon bout de temps. Après ça, évidemment, les mines, l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, des fois, on pense à Abbey James en 1975, mais l'hydroélectricité commence dès les années 1890 dans plusieurs endroits, ben, à différents niveaux, évidemment. Là. Mais à ce moment-là, ben, les Premières Nations, c'est les gens qui occupent ce territoire-là, puis on veut exploiter le territoire. Donc, ça devient gênant d'avoir... Donc, pas couper des forêts s'il y a du monde qui sont dedans et qui vivent puis qui en vivent. Fait que c'est là qu'on va tranquillement, évidemment, là, développer le concept des réserves là, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ouais. La loi sur les Indiens, etc. Fait que tu sais, je pense que l'histoire nationale, c'est ou l'histoire politique ou l'histoire officielle, c'est plutôt une histoire qui cherche à être, ben, en tout cas, je pense, à être plus reluisante. Fait que c'est normal d'escamoter un petit peu cette partie-là d'histoire. Puis là, ben, dans les livres, généralement, les Premières Nations reviennent. Ça dépend, mais souvent à l'époque, on revenait plus vers 1990, des fois même avec la crise d'Oka. Puis là, les gens étaient fâchés, les gens comprenaient pas pourquoi on. T'es fâché parce que c'est sûr qu'on avait occulté la partie la plus problématique de l'histoire. Puis ça incluait la loi sur les Indiens et les pensionnats. Bon, bien évidemment, il y a eu des efforts qui ont été faits quand même dans les programmes, par exemple, le programme du ministère d'Éducation au Québec, là, du secondaire 3 et 4. Là, j'avais moi-même participé là, à la révision de ça. Mais c'est que s'il vient un conflit avec. L'histoire nationale, encore une fois, parce que, puis c'est ça que j'ai compris, nous, on voulait ajouter des points, mais des points, ça devenait toujours des batailles, parce que il y a toujours une quantité X que tu peux enseigner. Il y a un bloc de temps d'heure pour chacun des modules. Fait, quand tu rajoutes l'histoire des Premières Nations, il faut que tu enlèves d'autres morceaux, sinon tu fais juste en rajouter pour des étudiants qui n'ont déjà plus que qui sont capables d'en prendre dans leur assiette là. Fait que ça devient compliqué. Il faut enlever, c'est quoi, on va s'enlever la question de l'union des Bas-Canada, du Haut-Canada, je pense pas, hein, évidemment. Fait que là, ça devient, comment est-ce qu'on va parler des Premières Nations à cette époque-là? On en parle très peu. On parle un petit peu des rapports qui ont été commandés à cette époque-là, là, comme le rapport Bagot, le rapport Pennefeller, puis le rapport Bagot, qui dans le fond, propose tout à peu près un peu la même chose à différents degrés près, là, de créer des réserves, de créer la loi sur les Indiens, de pouvoir contrôler le plus possible. Fait que c'est toujours ça après ça quand t'es dans la période là, de la Confédération. Pas trop de place. C'est ça, il n'y avait pas beaucoup de place. Puis c'est dur de redonner cette place-là parce que il faut enlever des choses que pour les historiens, c'est des éléments tellement importants dans la construction identitaire du Canada français, du Québec ou même du Canada et du Canada anglais que ça devient ça devient comme une compétition. Mais tu sais, ça devrait pas être ça, mais c'est ça qui arrive. Fait que c'est même encore là, c'est encore aujourd'hui difficile de redonner cette place-là aux Premières Nations dans l'histoire plus officielle là, du Québec, au Québec et au Canada. Ouais. Ouais, parce que essentiellement le Québec, comment t'sais, l'identité elle se positionne, t'sais, c'est surtout par opposition à comme t'sais, l'identité canadienne anglophone. C'est comme veux pas, c'est t'sais, comme pour moi, t'sais, c'est beaucoup dans comment moi je me situe nationalement. T'sais, l'idée du Haut-Canada, du Bas-Canada, de comme t'sais, des conflits entre t'sais, le rest of Canada puis t'sais, comme le bassin de population, t'sais, comme québécois, canadien-français. C'est difficile de comme de parce que t'sais, on parle souvent de deux solitudes, t'sais, mais en fait, il y a comme tout un autre pan, genre de comme d'histoire puis de culture qui est comme qui est pas inclus là-dedans. Ben oui, mais c'est bien ce que tu dis, j'ai pas dit comme ça, mais effectivement, l'histoire au Québec des Québécois, des Canadiens français, se fait beaucoup par opposition, hein, évidemment, à cause de l'histoire reliée à la conquête. Puis pour se définir vis-à-vis de l'autre, bon, on utilise beaucoup les Britanniques, puis on laisse. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à se définir en opposition face aux Premières Nations. T'sais, c'est pas ça qui construit l'identité. Fait c'est pour ça, c'est pas, ça appuie pas la trame nationale, la trame historique nationale. Fait qu'on s'en sert pas. Je pense que avant ça, il y avait quand même certaines. Je suis pas un romantique, là, loin de là, là, mais il y avait quand même entre les individus, je pense, puis je l'ai dit dans certaines rencontres, il y avait probablement des ententes assez cordiales entre les colons, les individus et plusieurs membres des Premières Nations, plusieurs communautés. Maintenant, je crois pas que cette entente-là était soutenue par une politique coloniale, mais qui était beaucoup plus au niveau humain. Mais ça, rapidement, avec la déshumanisation, si on veut, avec la loi sur les Indiens, les réserves, les pensionnats. Puis, en même temps, il faut pas se le cacher, quand je parlais de dépopulation, quand on arrive au tournant du 20e siècle, on atteint les seuils les plus bas. Hein? On tourne autour de peut-être 150 000 Premières Nations et Inuits au Canada de l'océan à l'autre vers 1900. Alors que, bon, on peut faire bien des spéculations, là, mais moi, j'ai pas peur de penser qu'il y aurait peut-être 1 million, 1,5 million, voire 2 millions de Premières Nations avant le contact. Parce qu'on part. On part toujours sur des chiffres biaisés quand on parle de population avant le contact, parce que, tu sais, le contact, c'est pas arrivé comme on. Tu sais, c'était pas la première fois qu'il y avait quelqu'un quand Christophe Colomb est venu. On sait qu'il y a probablement eu un moine chinois avant ça. Il y a probablement eu peut-être des Arabes. Il y a peut-être eu. Même, on parle d'un Irlandais qui serait peut-être venu avant ça dans les années 1200. Bon, il y a plus ou moins de preuves, mais on sait par exemple que les Polynésiens sont venus à plusieurs reprises, pas ici, mais il y avait des routes de commerce, puis par les routes de commerce, malheureusement, les maladies se transféraient. Fait que quand Colomb est arrivé, probablement que 50 ans plus tard, même où il n'y a jamais eu un Européen qui est venu, il y avait peut-être déjà eu des effets dévastateurs des maladies. Donc, à ce moment-là, les comptes rendus des premiers arrivants, ils décrivent une population avec X habitants, mais était peut-être déjà affectée par les maladies. Ouais, c'est ça, parce que les premiers contacts que on sait généralement, du moins ce qui compte pour la côte Est, je suis pas au courant pour la côte Ouest, parce que les Polynésiens, j'avais pas pensé, honnêtement, puis on n'en parle pas ici, mais c'est très possible, tu sais. Ben, en Californie, on sait. Ah ouais. On sait qu'il y a eu des. Il y a une similitude vraiment importante linguistiquement. Puis au niveau du design de certains hameçons qui sont utilisés là, autant par certains peuples polynésiens puis certains peuples du sud de la Californie. Puis en tout cas, puis le nom aussi que les gens, fait qu'il faut qu'il y ait eu des échanges, tu sais, à un certain point. C'est comme impossible que le hasard ait fait que ça soit pareil puis que ça se dise linguistiquement, ça soit ici près. Ben, Fait que c'est ça. Fait que, ben bref, tout ce que je voulais dire, c'est que on est un creux historique là, au tournant du 20e siècle, excusez-moi. Puis ben tu sais, en même temps, quand on disparaît numériquement, quand on est regroupé dans des communautés, dans des. Ce qu'ils ont appelé les réserves dans la loi, ben on devient un peu invisible pour l'autre. Puis l'autre étant les Québécois, les Canadiens. Donc c'est facile de nous oublier puis de nous évacuer ça, d'une certaine façon. Parce qu'il y a de moins en moins d'échanges aussi, il y a de moins en moins de collaboration. Puis pas l'espèce de déshumanisation, ben ça fait son effet, là, on l'a vu dans d'autres pays au cours de l'histoire. C'est comme une des conséquences des réserves, c'est que les barrières entre les communautés sont peut-être un peu moins perméables. Tout à fait. Mais tu sais, j'ai toujours comme, je vais peut-être dire de quoi de controversé, là, c'est comme quand on parle de l'histoire des réserves, tu sais, souvent, tu sais, les Québécois ont tendance à comme dire, comme ça c'est pas nous, tu sais, ça c'est le Canada, tu sais, c'est une loi canadienne, nous, on fait pas ça, on n'a pas fait ça, tu sais, entre guillemets, c'est quelque chose qui revenait comme en tout cas souvent avant l'été 2021, parce que, tu sais, les pensionnats, tels qu'on les conçoit... Il y a eu plus de comme choses qui sont venues à la lumière de nos connaissances maintenant. Mais on disait comme, ah non, t'es les réserves, c'est pas les Québécois. Mais moi, je me suis toujours dit comme, ouais, mais peut-être qu'en même temps, genre, même si on. Il y a comme un. Même si on dit, ah, c'est pas nous, ça. Il y a comme un genre d'entente, genre tacite, ou c'est comme implicite, ou comme, tu sais, ça fait peut-être un peu nos affaires, genre, de comme d'évacuer. Comme... Ben, c'est une bonne question, ça. Hein? Je pense que. Tu sais, la question de la Fédération canadienne, ça donne un beau rôle, hein, parce qu'on peut, en tant que Québécois, une journée être sur le bout de notre chaise pour le sprint 100 mètres de Donovan Bailey, puis être vraiment heureux d'être Canadien. Puis une autre journée, dire que les pensionnats, c'est pas nous autres, ça, c'est pas nous autres, les Québécois. Tu sais, ça s'est passé tout dans. Ben là, c'était pas Donovan Bailey cet été, là, mais. Je sais pas qui, là, j'ai moins suivi les Olympiques cette année, mais je veux dire, je suis sûr que ça se passait là, dans certaines familles, dans la même semaine, on était heureux d'une médaille d'or, puis dans la même semaine, il y avait une discussion autour de la table là, le soir au souper, puis on disait, ouais, non, ça, c'est les Canadiens anglais, c'est les maudits britanniques qui ont fait ça. Nous, on a été gentils que les Premières Nations, justement, c'est nous autres qui avons signé le premier traité moderne avec la Convention de Beijing. T'sais. C'est tout ça pour avoir dans la même discussion. Mais d'un autre côté, par contre, on s'en vient aux réserves. Où c'est où ce qu'il y a du monde au Québec? C'est généralement au sud du 46e parallèle. C'est dans la vallée du Saint-Laurent. Des deux côtés, à peu près 80% de la population québécoise à ce niveau-là. Puis l'ensemble des communautés dans ces territoires-là. Ou réserves ont tous été créés avant l'arrivée des Britanniques en Nouvelle-France. Wendake, Ganawagé, Wassassiné, Ganesidagé, Odenak, Olinak. Fait que après ça, ceux qui ne savent pas, puis après ça, la seconde vague de réserve qui a été créée, c'est en 1850-51 avec l'acte sur les terres des sauvages. Là. Ouais, je ne paye jamais du nom par cœur. Mais c'est un gouvernement bas-canadien qui crée ça, essentiellement composé de Canadiens français. Hein. Ce plan-là, c'est de créer des grandes réserves comme Pessamit, Gilligan-Zibi, Témiscaming, First Nation et d'autres là, puis qui sont très grandes comparées aux autres qui étaient très petites. Ben, Ganawagé est assez grande aussi là. C'est sûr qu'il y a la question des seigneuries puis des vols puis des jésuites, des sulpiciens et autres qui ont magouillé, mais bref, les sont très grandes ces réserves là. Pourquoi? Parce qu'on va en faire des pôles géographiques, dans le fond, pour envoyer le plus de gens de ces nations-là sur cette réserve-là, pour justement pouvoir procéder à l'exploitation des ressources naturelles qui devient la la ressource numéro un au Canada, après la fourrure, là, comme on disait, le bois, les mines qui arrivent très rapidement, là, c'est pas des mines comme aujourd'hui, mais c'est quand même des minerais et tout ça, et l'hydroélectricité qui s'en vient très rapidement, les barrages sur l'Outaouais, ça, c'est Beauharnois, par exemple, c'est au début du 20e siècle, etc. Donc, c'est ça qui arrive. Malheureusement, ou heureusement pour les Premières Nations, ça va plus ou moins marcher. Et que ça va faire des grandes réserves, des grandes communautés aujourd'hui qui ont beaucoup de territoire avec le titre de réserve, mais qui n'a pas autant. Les autres se sont pas joints. Donc, après ça, on va avoir une autre vague plus tard, qui justement, ça l'explique assez bien, là, dans les années 1900-1950, qui vont être sous la loi des mines. Les réserves vont être créées sous la loi des mines, parce que justement, c'est dans l'optique de créer, d'exploiter les mines. Fait que on voit les phases qui suivent les différentes ressources naturelles. Tout comme dans l'Ouest, c'est pas différent tant que ça non plus, malgré qu'eux, ils signent des traités numérotés. Les vagues de traités sont toujours relié à une découverte. Bon, les premiers traités 1 à 7 sont reliés à la colonisation, à l'agriculture, là, avec les prairies, mais après ça, le 8, j'ai un petit mal de mémoire, là, mais le 8, c'est, en tout cas, il y a celui du Yukon, en 1890, là, c'est le 8 ou le 9, en tout cas, peu importe, mais celui qui touche le Yukon, c'est vraiment lié au clan, ce qu'on appelle le boom minier du Klondike, parce que dans la loi ou dans l'affaire des territoires du Nord-Ouest, les terres du Nord-Ouest, on dit avant d'exploiter un territoire, il faut obtenir la cessation du titre indien sur ce dit territoire-là. Fait que tant qu'on n'a pas de besoin, on négocie pas, puis le jour où on a besoin, ben là, on négocie avec les petites puis des guillemets. Là, on obtient là, par voie de traité. Donc, dans l'Ouest, ça se passe comme ça. Ici, ça se passe différemment parce qu'on reconnaît pas tout ces paradigmes-là liés à la proclamation royale, l'État du Nord-Ouest, etc. Puis d'ailleurs, ça va jouer un tour, si on veut, d'une certaine façon, au Québec, parce que la Convention de la Baie James va être signée en 1975 sur un peu ces mêmes bases-là. Mais on s'entend que les modalités de paiement et de compensation vont être beaucoup plus élevées que s'ils l'avaient signé en 1900 ou en 1880. Pour 80, ça aurait été impossible à cause de la question de l'extension des frontières là, de 1990 et 1912, je ne me trompe pas. C'est ça. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que c'est beaucoup relié à l'exploitation du territoire, soit au niveau de l'agriculture, soit au niveau du développement d'une ville, ou majoritairement au niveau du développement de l'exploitation des ressources naturelles. Une couple de pistes que j'aimerais investiguer dans ce que tu dis, mais une affaire que, peut-être une légère parenthèse, c'est quand tu dis que les traités qui ont été négociés dans les années 70, ça joue un tour, entre guillemets, parce que les montants payés par le gouvernement sont plus hauts que si ça avait été signé genre dans les années 1900, ce qui ça me fait penser à quelque chose que tu as dit aussi dans une de tes conférences, où les traités négociés, tu sais, pour les terres, tu sais, etc., c'est pour des peanuts, en fait. Puis il y a personne vraiment, genre, qui est comme tout à fait d'accord avec ça. C'est pas quelque chose qui est comme « Ah ouais, cool, hein, donnez-nous, genre, 3$ pour notre territoire, puis... » C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Non, c'est intéressant que tu amènes ce point-là, parce que moi, j'en fais un certain

pour quelqu'un qui baragounait un petit peu du cri au-delà du boué, un curé, d'être capable d'expliquer toutes les tenailles aboutissantes de ce que ça allait impliquer un traité, puis que là, ils allaient mettre leur signature en toute connaissance de cause, pour moi, c'est inimaginable. Puis même si ça avait été imaginable, on sait maintenant pertinemment, c'est documenté, que les commissaires qui étaient responsables de négocier les traités et de voyager là, dans les communautés, ils promettaient un petit peu n'importe quoi de l'ajouter dans le traité quand il allait être de retour à Ottawa, alors que le traité était déjà écrit, puis imprimé, puis il manquait juste les signatures, puis il était hors de question de rajouter des choses. Fait que tu sais, le docteur, le professeur John Long, qui a travaillé beaucoup sur le traité neuf, qui a documenté ça d'une façon assez importante. Puis il y a d'ailleurs Madame Benakis, Madame Alanis Obomsawin, qui a fait plusieurs films, qui a fait un film là-dessus, là, ça s'appelle Trick or Treaty. Puis le mot, le titre veut tout dire, mais c'est bien documenté à quel point que c'est une espèce de fraude, toute cette affaire-là, de consentement libre et éclairé dans la signature des traités numérotés. Ben ouais, de toute façon, tu sais, comme quelqu'un qui va venir exploiter les ressources minières, tu sais, va bien vouloir cacher comme le réel prix de cette ressource-là, tu sais, parce que lui, il veut faire comme le maximum d'argent, puis il peut exploiter comme facilement des gens qui, tu sais, savent pas nécessairement qu'est-ce que ça implique, l'industrie, comme dans sa force écrasante, là. Mais non, puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est sûr que on est plus à armes égales au niveau juridique, linguistique et autres. Et que c'est sûr que les ententes qui sont signées aujourd'hui sont beaucoup plus valables, d'après moi, ben en tout cas, selon toute vraisemblance. Quoi qu'il peut y avoir encore des choses cachées, là, mais je pense que généralement, à partir des années plus modernes, c'est ça, il y a eu des... Ouais. Mais c'est des combats encore aujourd'hui, puis même quand on gagne parfois en Cour suprême ou ailleurs, les cas de l'été dernier, les Mi'kmaq qui pêchaient le crabe, l'homard, ont un jugement dans les mains de la Cour suprême, le jugement Marshall 1999 également, qui leur garantit des droits importants en matière de pêche, puis malgré ça, ils doivent négocier à la pièce des ententes avec le gouvernement, sinon la GRC Pêche et Océan Canada ou les gardes-côtes leur font du trouble. Puis encore là, c'est un conflit de ressources. Mm-hmm. Si le homard, il n'y avait personne qui vivait du homard dans les maritimes, il laisserait les Mi'kmaq pêcher le homard puis faire ce qu'ils veulent avec le homard. Ouais, c'est ça. C'est toujours un conflit de ressources parce que l'Amérique du Nord a été colonisée pas parce que c'était le fun, mais parce qu'il y avait de l'argent à faire en bout de ligne. T'sais. T'investis un territoire pour le travailler. Pour le, ben l'ex- oui, mais pour le l'exploiter. Territoire, c'est une ressource aussi en tant que telle. Ouais, c'est ça. Juste pour revenir, parce que ça me fait penser à quoi quand tu parlais de la conception du territoire. Souvent, quand on parle de Montréal, puis les gens ils disent que Montréal, c'est pas un territoire non cédé, il n'y avait personne qui habitait ici, c'était un territoire de chasse de toute façon. C'est souvent comme un argument qui est utilisé pour légitimiser l'idée que t'es comme Montréal existe. C'est un territoire de chasse, donc c'est pas grave si nous autres on l'investit. Ah oui, il y avait personne. C'est souvent ça que il y a beaucoup d'historiens reconnus au Québec qui viennent le réaffirmer haut et fort à maintes reprises. Mais, tu sais, premièrement, le fleuve Saint-Laurent, c'est quoi? C'est une artère de communication extrêmement importante pour l'ensemble des nations s'y trouvant ou qui sont proches ou qui sont proches du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, Jacques Cartier, quand il arrive en 1534, le Saint-Laurent est peuplé de long en large, ben pas le Saint-Laurent, là, évidemment, là, parce qu'on ne vivait pas dans l'eau, mais les rives du Saint-Laurent et les îles du Saint-Laurent qui le permettent sont peuplées, tant qu'à moi, comme je dis souvent, au maximum des cultures qui étaient présentes, en fonction des cultures qui étaient présentes. C'est ce qu'on appelle là, des fois les Iroquois, comme on disait, il y avait un apport de l'agriculture beaucoup plus important dans leur diète. Donc, évidemment, l'agriculture permettait de peut-être avoir une occupation du territoire plus importante au kilomètre carré que les chasseurs du Nord, dont le caribou était peut-être une des sources protéiniques la plus importante. Mais, donc, quand Cartier arrive, ce qu'il rapporte, c'est qu'il y a du monde, puis qu'il voit plein de monde, puis c'est plein de monde, puis qu'à Montréal, il y a du monde aussi. Puis, tu sais, Montréal, quand on prend notre auto, puis qu'on traverse des caries du sud au nord, ou la métropolitaine d'est en ouest, ça n'a pas l'air si grand que ça. C'est grand, Montréal. C'est très grand, Montréal. C'est énorme. Fait que, tu sais, Cartier, il est venu, je tiens à le rappeler, même pas une journée. Il a même pas couché à Montréal. OK? Fait que, est-ce que Cartier a pu voir, puis là je parle même pas du West Island là, jusqu'à Saint-Laurent puis à Kirkland puis tout là, c'est même pas métropolitain puis des caries là. Donc tu sais, est-ce que Cartier a pu voir vraiment, on dit Hochelaga c'est Montréal, ouais, Hochelaga c'est peut-être une partie de Montréal, tu sais, de l'île de Montréal. Est-ce qu'il a pu voir tous les villages qui se trouvaient? Est-ce qu'il y en avait plein? Ça, j'ai pas de réponse à donner à ça. Mais moi, j'ai l'impression que Montréal, c'est un endroit géographique, intéressant et important, autant aussi météorologiquement parlant. Le climat était bon à Montréal, on le voit. C'était beaucoup d'agriculture à Montréal avant que ça devienne une ville de l'importance qu'elle a aujourd'hui. Donc, quand ils voient ça, c'est ça qu'ils voient le monde. Ils voient Montréal, on peut aller d'un bout à l'autre. Mais Montréal, tu traverseras pas Montréal à pied en une journée. Là. Puis là, encore là, il y a des routes, puis il y a tout ça. Imaginez dans la forêt, puis là, tout ça. Fait que, donc, on dit qu'il y a Hochelaga, puis après ça, on revient, puis là, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne? C'est ça que les gens ils oublient de se poser comme question. Pourquoi il n'y a plus personne en 1608? Moi, ce que j'ai vu, ce que je connais, c'est qu'il y a comme trois facteurs les plus importants. Hein? Premièrement, on a parlé tantôt de la dépopulation due aux maladies. Il y a des fortes chances qu'au cours des trois voyages que Cartier a fait, bon, le premier, il vient pas vraiment dans le Saint-Laurent, là. Il va dans la baie des Chaleurs puis tout ça, dans le Golfe. Mais par contre, il rencontre le chef Donnacona de Wendake, ou là, il y en a qui vont dire c'était le Coné, en tout cas, peu importe. Le chef Donnacona qui lui était parti à la pêche là-bas. Fait qu'il revient dans sa communauté. Est-ce qu'il rapporte des maladies, tout ça? C'est plus ou moins, mais on sait qu'il y a eu une dépopulation de façon généralisée de la terre de feu au Chili, au Grand Nord québécois lors des premiers contacts. Fait que pourquoi ça serait pas arrivé là? Moi, j'ai bien de la misère à le croire. Après ça, on le sait également qu'il y a une... Bon, ça, c'est moins dû à la colonisation puis aux nouveaux arrivants, mais il y a une minière glaciaire qui va s'installer sur la planète dans les années 1550-1580. D'ailleurs, la ligne du vin en Europe méditerranéenne va descendre vers le sud de façon assez prononcée. Donc, tu sais, ceux qui étaient à la ligne à l'extrême nord de ceux qui vivaient de l'huile d'olive puis qui pouvaient pousser les vignobles et tout ça, ils appellent ça la ligne du beurre puis de l'huile. Là. En tout cas, je me rappelle d'avoir lu là-dessus, parce que c'était la culture d'huile d'olive puis c'était ceux qui avaient du beurre. ça va être repoussé vers le sud, de la même manière que la ligne du beurre va descendre vers le sud également, parce qu'il fait de plus en plus froid. Bon, c'est pas comme dans le film The Day After Tomorrow, là, évidemment, là, mais il y a quand même, ça l'a quand même affecté. Fait que la même chose s'est produite ici avec la ligne du maïs. Québec, Montréal, c'était entre Montréal et Québec, il y a déjà une bonne différence. Mais Québec, c'était extrêmement nordique là, pour pousser le maïs selon les techniques agricoles de l'époque et des nations qui l'occupaient. Montréal aussi, ses limites. Fait que tout ça va créer une course aussi aux ressources alimentaires, le poisson, la chasse, etc. Puis rajoutons à ça une course aux objets européens. Parce que on parle toujours de quartier. Mais les pêcheurs qui venaient peut-être depuis 100 ans, on n'en parle pas, eux autres, des pêcheurs basques, des pêcheurs français, des pêcheurs d'un peu partout, c'est documenté maintenant, de 1500 à 1600, le fleuve Saint-Laurent, c'est un carrefour important. Ils viennent au début, ils viennent à Terre-Neuve, mais là, quand ils sont plusieurs à Terre-Neuve, ben, il y en a qui disent, ben, on n'est pas plus fou qu'un autre, on va aller un peu plus loin, on va aller un peu plus loin, puis on va aller plus loin. Donc, il se crée un commerce d'objets européens à cette époque-là. Puis, évidemment, ben, il y a des gens qui voyaient une plus-value à obtenir ces objets-là, puis il y a des gens qui voyaient une plus-value à garder ces objets-là. Puis à ce moment-là, évidemment, que ça crée des conflits. Mais tout ça est dû, à part la minière glaciaire, là, le refroidissement de la planète à cette époque-là, c'est beaucoup dû aux Européens. Puis bon, c'est pas de la faute là, c'est pas une question de victimisation là que je fais ici. Je vais juste expliquer ce qui est arrivé. C'est un bouleversement géopolitique et météorologique, si on veut, là, climatique plutôt, dans le Saint-Laurent. Fait qu'évidemment, ça a créé des distinctions entre 1535 puis 1608. Est-ce que si quelqu'un est présent pendant 5000 ans sur un territoire, mettons, sur l'île de Montréal, puis pendant 30 ans, ils sont pas là, c'est quoi qui compte le plus? Ben, dans la vision des historiens classiques, c'est le 30 ans où ce qui était pas là. Mais dans la tradition orale, le 5000 ans a beaucoup plus d'impact et de valeur et de force que le 30 ans. Ouais, je pense que c'est légitime. Fait que si on pense que de 3000 avant, non pas 3000, mais mettons de 2000 avant Jésus-Christ, à 1580, il y avait une communauté qui vivait, ou différentes communautés, là, je ne donne pas d'exclusivité à personne, puis tout d'un coup, ils s'en vont à un moment donné, pendant un certain temps, puis après ça, en 1680, ils reviennent, là, même pas 100 ans après, puis ils se réinstallent, mais je pense que la tradition orale fait qu'ils reviennent chez eux. Ou chez eux, ou chez leurs frères, qui étaient leur nation, qui a été incorporée dans la nation. Le terme de nation aussi, c'est un peu comme le terme de propriété. Hein? Nous, le terme de nation est différent chez les Premières Nations que chez les Européens. On parle d'État-nation. Fait que s'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de nation. C'est souvent ça dans la conception européenne. C'est très construit parce que je me rappellerais qu'en 1534, on parlait français de Paris à peu près 10 km alentour de Paris. Dans les autres endroits, on parlait niçois, on parlait l'occitan. Les ch'tis. C'était des dialogues. Ça n'existait pas la nation française à cette époque-là. Il y avait des groupes, ça s'est fait plus tardivement, l'unité nationale française. Mais on associe ce concept-là de nation aujourd'hui à ce qu'on voudrait ce que les nations soient. Donc, c'est ce qui est un autre problème, je pense. Puis aussi, pour en venir à la question de départ, là, sur la différence des perspectives historiques, je pense que dans l'histoire classique, on croit en une objectivité suprême, en la vérité, finalement. Puis la vérité qui doit être perçue de façon universelle, peu importe qui qu'on est. Puis moi, je n'y crois pas vraiment. Je pense que chaque nation, chaque groupe, chaque État, chaque continent a une histoire qui lui est propre et qui peut être perçue différemment par un autre groupe, une autre communauté, une autre nation, un autre continent. Je veux dire, les Européens n'ont pas la même perception de la guerre de 7 ans. Je suis sûr qu'ils n'en parlent même pas dans leur histoire, un petit peu, là, mais... Tu sais, Jacques Cartier, je vais en France, je pose la question, c'est qui Jacques Cartier? Jamais personne qui va te répondre. Là. Ils vont te dire, oh, Cartier, les bijoux! Non, mais, tu sais, je veux dire... Mais ici, tout le monde le connaît. Tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, pourtant, c'est Jacques Cartier, à part d'être venu ici et d'être reparti, c'était un piètre diplomate, un piètre politicien. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait rire de lui les faux diamants du Canada. Hein, quand on dit aussi vrai que des faux diamants du Canada, c'est qu'il avait ramené, il a rempli ses bateaux de quartz, puis il a ramené ça. Il pensait qu'il avait trouvé des diamants. Puis la pyrite de fer, il pensait que c'était de l'or. Tu sais, je veux dire, il n'y avait rien pour lui à part d'être le premier à être venu ici puis d'avoir fait du trouble un peu avec les Premières Nations. Tu sais. Mais pour nous, c'est que ben pour nous, pour les Québécois, c'est un personnage historique important. Pour nous, ben il est important, mais important sous l'autre sens. Il a kidnappé nos ancêtres. Il a probablement amené de la maladie. Il n'a pas respecté nos coutumes. Il n'a pas respecté nos traditions. Nos frontières, nos rites politiques, c'est ça. Puis d'un autre côté, il y a des nations qui n'ont pas eu affaire avec lui, fait que il n'existe pas. Fait que tu sais, c'est quoi la vérité dans l'histoire? Tu sais, je pense qu'on peut tendre vers une certaine objectivité, avoir une rigueur professionnelle et historique, mais de là à penser que ce qu'on écrit, puis ce qu'on véhicule, c'est la vérité vraie et absolue sous tous les points de vue et tous les angles de toutes les communautés et toutes les nations au monde. Moi, je crois pas vraiment. Je pense que c'est une distinction importante. Puis il faut respecter. Parce que je trouve que d'avoir une vérité absolue, on manque de respect envers l'autre, qu'il y a peut-être d'autres histoires. Il y a des gens qui disent ça, que c'est comme un genre de comme un travail de réécriture de l'histoire, en fait. Que il y a beaucoup de gens qui cherchent des ancêtres autochtones pour un peu peut-être se dire comme on n'est pas des méchants, on est des frères, on est des cousins, on fait partie un peu de la même histoire. C'est comme un travail de comme sanitarisation, j'ai pas le bon mot. Sanitaire, un travail sanitaire, hein, on est... Mais, ça, c'est une grande question, hein. Puis, tu sais, je fais une certaine observation entre l'impossibilité de s'affirmer ou d'affirmer la nation québécoise basée sur des Québécois de souche, comme on disait. De moins en moins, ça se fait plus là, de dire ça, parce qu'on va être étiqueté comme étant raciste d'une certaine façon, parce qu'on rejette le Québécois qui est pas de souche, si on veut, qu'il soit anglophone, qu'il soit irlandais, qu'il soit protestant, qu'il soit immigrant de d'autres nationalités, il n'est pas Québécois de souche. Mais si on peut créer des Québécois avec une identité autochtone, c'est bien vu. Je sais pas si c'est vraiment ça ou consciemment non plus. Là. Des fois, les gens font les choses de façon inconsciente. Moi, honnêtement, j'ai pas trop embarqué dans ce débat-là. Il y en a déjà en masse qui s'en mêlent, mais je peux dire ce que je pense aussi de la question des alliés. On parle souvent d'alliés, puis tu sais, il y en a des gens là, qui sont tellement plus outrés que nous de ce qui s'est passé. Puis moi, souvent, ce que je dis, là, puis, peut-être qu'on pourrait terminer avec ça, là, c'est la question des alliés, là, pour moi, c'est très important. On en a besoin. Pas besoin d'être autochtone pour être un allié, parce que sinon, t'es pas un allié, tu fais partie de la gang. Mais tu peux faire partie de la gang en étant non autochtone puis sans te créer des ancêtres autochtones extrêmement lointains non plus. Mais par contre, ce qui est la chose la plus essentielle pour être un allié pour moi, c'est d'avoir du respect et de l'admiration et non de la sympathie envers les Premières Nations. Parce que tellement souvent, comme je disais, j'ai entendu des gens qui se tombaient écœurants. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour racheter nos ancêtres? On veut pas que tu rachètes tes ancêtres. On veut que toi, que tu fasses des choses, des gestes de rapprochement puis que tu sois un militant dans la société pour améliorer les relations basées sur le respect, non sur la pitié. Ça, c'est important. Parce que tu dois considérer que les Premières Nations ont des cultures riches, vivantes et importantes pour être un bon allié. Parce que la pitié, on s'en passerait, là, honnêtement. Puis il y en a beaucoup, des fois, c'est juste ça. C'est juste qu'ils trouvent... Ils ont honte eux-mêmes pour différentes raisons de ce que leurs ancêtres ont peut-être ou peut-être pas fait. Puis ils voudraient comme racheter leur salut, si on veut, pour parler en termes plus religieux. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, je pense, c'est faut que tu sois être un allié parce que tu crois qu'on a des cultures riches, florissantes et diversifiées et importantes. Pour moi, c'est la chose que je trouve le plus important. Puis pas besoin d'avoir. On t'aimera pas plus parce que t'as un ancêtre quelconque d'il y a 200-300 ans ou même 100 ans. Je veux dire, tu sais, il faut avoir vécu, il faut avoir passé à travers les systèmes qu'on a mentionnés, la loi sur les Indiens, les communautés, les réserves, les communautés, la dépossession des terres, les lois de conservation de la faune, les gardes-chasse qui nous couraient après quand on voulait. Je sais que c'est pas universel pour tout le monde, il y a plusieurs façons de vivre ça, là. Je dis pas qu'il faut absolument savoir faire courir par les gardes-chasse. Bref, tu sais, je pense que ça vient dans un ensemble, puis c'est pas juste en ayant un ancêtre lointain que ça te donne pas ça, mais on te prend pareil là, comme allié, mais fais-le de façon peut-être empathique un peu, mais certainement pas sympathique, et reconnais la valeur et la richesse de nos cultures et de nos nations, puis parce qu'on là, je parle pour moi là, comme j'ai dit au début, mais on va bien s'entendre si c'est comme ça. Si je veux en apprendre plus sur toutes les cultures puis leur richesse, c'est par où je commence? Grosse question, je sais. Ben, moi, j'ai toujours... je préconise toujours de commencer par son endroit géographique. Parce que, quand on était plus jeune, il y a eu des époques, l'Ouest a souvent fasciné, ou le Far West a souvent fasciné, quoique là, on a brûlé un peu du Far West. Mais, bref, je pense que si t'es à Montréal, ce que je pense, là, j'imagine que t'es dans la région de Montréal. Il y a quand même des belles communautés Ganyangaga, Mohawk, dans la région de Montréal. Il y a également des... C'est sûr que Montréal, c'est une plaque tournante là, pour différentes raisons, bien évidemment. Il y a d'autres nations aussi qui s'y trouvent. Mais tu peux faire des liens. Il y a les différents powwows aussi. Là. C'est sûr que là, la pandémie, des fois les communautés sont un peu plus fermées à cause justement de la pandémie, puis de réduire les risques de propagation au plus bas. Là. Donc, dans une période un peu plus difficile là, à ce niveau-là. Mais le Echo of a Proud Nation, là, c'était le powwow au mois de juillet, là, d'habitude à Ganawagé. C'est en même temps, c'est fun parce que souvent les gens ont des préjugés par rapport On gagne une Galaga Mohawk à cause de la Christoka et d'autres choses comme ça. Fait que ça peut être une bonne façon de déconstruire ses préjugés en allant dans un moment où ils sont ouverts et accueillants. Ben, ils sont toujours ouverts et accueillants, là, mais c'est fait pour ça. Là, sinon, ben, y a des communautés bien acquises aussi qui sont pas tellement loin dans le Grand Sorel, Nicolet et Trois-Rivières. Là, Odenak et Olinac. Moi, je prête. Il y a quand même des livres intéressants. C'est sûr que t'sais, ça commence à vieillir un peu, mais moi j'aimais bien le livre de Olive Patricia Dickinson, Les Nations du Canada, Les Premières Nations du Canada, là, qui est un livre d'histoire, mais en version française, il a vieilli un peu parce qu'il n'a jamais été réédité, mais en version anglaise, il a été réédité là, dernièrement, là, même en version un peu plus concise. Là, ça s'appelle Concise History of First Nation in Canada, qui est quand même intéressant. Il y a d'autres ouvrages aussi. Bon, en tout cas, ça dépend du type de. T'sais, des lectures universitaires là, intéressantes, mais. Des fois, c'est un petit peu ardu quand on veut commencer. De rencontrer les gens aussi. Il y a des centres d'amitié aussi, les deux centres d'amitié à Montréal, là, Native Montreal, Montréal Autochtone, puis le Friendship Center, où est-ce que tu peux rencontrer les gens, là, des fois, qui ont des liens tissés avec l'organisme sur lequel tu sièges. Je dis ça comme ça, là, mais je veux dire, ça peut. Il y a souvent des belles collaborations. Il y a Projet Autochtone Québec, le PAC, qui s'occupe aussi de la santé, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que de rencontrer des gens, c'est une façon intéressante. Hein? Il y a peut-être des groupes, même sur Facebook, qui peuvent être intéressants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des choses. Là, Voix autochtone du Québec, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un groupe Facebook assez ouvert. Il y a beaucoup de gens qui partagent des choses là-dessus. Ça peut être des façons intéressantes. Hein? Ou tu peux m'écrire et me poser une question. Je te référerai un livre avec plaisir, ou un article, ou quelque chose, si c'est plus spécifique. Ben, c'est excellent, Médéric. Écoute, je sais que le temps file et que tu as des choses à faire, fait que on va te laisser partir. Merci beaucoup. Ben, Miguel, je tiens moins que toi, c'était vraiment intéressant, puis je sais pas que c'est un exercice que j'ai rarement fait que je suis bien content de l'avoir fait avec toi, puis comme j'ai dit, moi, les programmations, tout est souvent une question de connaissance et de connexion, et fait que n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Puis si j'avais, je veux me plugger une émission de radio, je t'appellerai. C'est excellent. Parfait. On est. Au revoir.